L'actualité à Nancy et ailleurs. La 24e édition du Festival international du film de Nancy s'est lancée hier avec la soirée d'ouverture. Et bien chaque jour, nous retrouvons Pilar qui coordonne le festival pour nous présenter un peu le programme. Bonjour Pilar. Bonjour Yves. Bon. On coordonne avec ma collègue et une équipe, une très belle équipe. Je ne suis pas toute seule seulement, je voulais dire. Bien sûr, nous en parlerons de tous celles et ceux qui rendent possible ce festival. Avant cela, un mot sur le festival. On va voir le programme de ce dimanche 26 août. Mais avant cela aussi, les à côté du festival, c'est aussi des expositions. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Tout à fait. Nous avons des activités autour du festival. Nous avons deux expositions et deux installations au cours de la manufacture. Les deux expositions ont lieu dans deux différents endroits. Donc, la première, c'est Bobine de l'Est, qui est une exposition possible en partenariat avec l'Université de Lorraine. Donc, c'est des illustrations qui reprennent des films qui ont été tournés dans la région. Donc, vous êtes conviés à venir voir cette exposition aussi aujourd'hui dimanche à jusqu'au 13 septembre. Et ensuite, nous avons une exposition très importante, très reconnue déjà dans différents magazines culturels de cinématographie, de photographie dans le monde, parce qu'il s'agit des frères Manaki. Ils sont comme les frères Lumière pour la France, c'est les frères Lumière en Macédoine. Donc c'est une centaine de photos qui ont été retrouvées. C'est un choix éclairé de Robert Jankulowski. Et il présente un monde en guerre où s'entremêlent des soldats de toutes les armées au milieu des civils. Donc je vous invite à découvrir cette exposition à la Galerie 9, qui est une œuvre de Gustave Simon. Et nous vous attendons, pareil, depuis samedi jusqu'au 12 septembre. La galerie est ouverte de 14h à 19h. L'entrée pour les deux expositions est complètement gratuite. Et comme j'avais dit avant, nous avons aussi deux installations sur le site du festival. Donc c'est à la cour de la manufacture, une installation de Enrique von Davids, qui était avec nous l'année dernière, avec l'installation Les Quatre Léments. Et nous avons aussi Francisco Tomsi avec La bataille de Nancy. Je vous invite à venir voir ces deux expositions, qui c'est une grande occasion que nous avons grâce au partenariat, à savoir que les frères Manaki, c'est possible grâce à l'ambassade de Macédoine en France. Voilà pour ces installations, nous aurons l'occasion d'en reparler, mais pour l'instant, eh bien, faisons un coup de projecteur sur ce qu'il nous attend aujourd'hui sur le site de la manufacture, le programme de ce dimanche 26 août, avec notamment de la musique. Oui. Donc, aujourd'hui, on commence plutôt l'après-midi à partir de 14h15 et avec des films courts, des documentaires, des programmations pour les jeunes publics et plus tard, pour les concerts, nous avons à partir de 19h30 les groupes Sa Majesté Raoul, c'est un groupe de trois jeunes hommes de Strasbourg qui écrivent les paroles de leurs chansons, c'est des compositions originales. Assez originale, très créative, qui peuvent nous faire rire, ou parfois nous rappeler les conditions dans lesquelles on est dans la société actuellement, mais complètement à voir, à danser, à écouter. Donc, Sa Majesté Raoul à 19h30, pour ensuite avoir à 21h15 le cinéma en plein air, rendez-vous incontournable du festival. Je rappelle, si il pleut, c'est pas un souci, s'il fait froid, c'est pas un souci, nous avons une salle de repli dans la salle du conservatoire, mais aussi, là on n'a pas des afters, les afters sont uniquement le week-end. Alors on retrouve bien sûr le programme sur le site du festival, www.fifnl.com, et bien sûr le tarif pour les projections c'est 3,50€, un tarif unique. Merci beaucoup Pilar. On se retrouve lundi pour le programme bien qui se poursuit hein, jusqu'au 2 septembre avec plein d'autres surprises. Merci beaucoup Yves. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.